Cette nouvelle journée des associations se présente bien ? Oui, c'est maintenant une tradition. Le deuxième week-end de septembre, les associations de la ville s'installent sur la place du Foirail pour présenter leurs activités. Il y a beaucoup d'associations sportives, mais aussi culturelles. Des écoles de musique, des chorales, des ateliers de peinture, de théâtre, et puis aussi des associations caritatives. Cette année, nous avons 40 associations qui ont un stand. Vous avez une bonne participation ? J'ai l'impression qu'il y a plus de monde chaque année. À Nérac, il y a déjà 3000 personnes qui font partie d'associations et ce nombre augmente chaque année. C'est normal, les gens ont plus de loisirs. Les retraités représentent une part importante des licenciés. Les gens ont envie de faire des choses intéressantes plutôt que de passer leur temps devant la télé. Donc, chaque association essaie de faire sa publicité. Oui, voyez, deux scènes de 30 mètres carrés ont été installées. Les associations peuvent y faire des démonstrations. Là, il va y avoir une démonstration de sport de combat, boxe, judo, et puis un petit concert d'une association de musique. Vous pensez avoir des retombées, des JO ? Oui, c'est comme après une Coupe du Monde de foot qui donne envie aux jeunes de faire du foot. Par exemple, les associations de natation, de boxe, d'équitation vont recruter de nouveaux adhérents. Tout à l'heure, vous parliez d'associations caritatives. Oui, il n'y a pas que du sport. Il y a aussi des associations qui s'occupent des personnes âgées, des enfants malades, des enfants qui ont des difficultés scolaires ou qui militent pour l'écologie. Elles comptent beaucoup sur cette journée pour trouver de nouveaux bénévoles. Nous avons aussi l'association des sages-femmes et puis aussi l'amicale des sapeurs-pompiers de Nérac. Son objectif, c'est de susciter des vocations chez certains jeunes pour rejoindre les rangs des soldats du feu.